بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة يدور حول أسماء الله عز وجل، وهي ثلاثة أسماء: الله، الرب، والرحمن. فيقول المؤلف رحمه الله وحافظه: إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالتها معاني سائر أسماء الله ثلاثة أسماء، وهي الله، الرب، والرحمن. Parmi les bases des plus beaux noms d'Allah, à partir desquels se retrouvent et se regroupent tous les sens des noms d'Allah Azza wa Jal, sont au nombre de trois. Tout à l'heure dans le Dar, j'ai dit Arkan, mais en vérité c'est Usul. Donc ça, c'est plutôt Usul que Arkan. Donc les bases des noms sont au nombre de trois: Allah, Ar-Rab et Ar-Rahman. C'est-à-dire que tous les noms d'Allah Azza wa Jal reviennent à ces trois noms-là, ou à l'un ou à l'autre. فهذه الأسماء الثلاثة تنتظم في دلالتها جميع أسماء الله، وأسماء الله تدور عليها وترجع إليها. Donc c'est les trois noms, tout revient à ces trois noms-là. Tout revient à ces trois noms-là. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن الصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات كثيرة، ومنها البر والإحسان والجود وغيرها. فكل أسماء الله ترجع إلى هذه الثلاثة. Donc Allah, lorsqu'on dit Allah, donc nous parlons ici de la seigneurie, ou plutôt de la divinité, al-uluhiyya. Wal-uluhiyya, hiya af'al al-ibad, af'al al-ibad. Donc lorsqu'on mentionne et dit al-uluhiyya, la divinité, on veut dire par cela les actes des serviteurs, af'al al-ibad, ou bien tawhid al-qasd wa talab, ou bien l'unicité de l'intention et de la demande, car c'est ce que tu fais, c'est ce que tu mets en œuvre. Wa ismu rabb, donc le Seigneur ou le Maître, mutadam minun ar-rububiyya, la seigneurie qui est composée donc du mulk, khalq wa tadbir, wa tadbir. Donc mulk, khalq wa tadbir. Lorsqu'on mentionne la seigneurie, on veut dire par cela la création d'Allah, la royauté d'Allah et la façon de gérer ce que Allah Azza wa Jal fait, la gérance. وقد اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة في سورة واحدة وهي سورة الفاتحة. Et on retrouve ces trois noms-là réunis dans une seule sourate, qui est la sourate al-Fatiha. وهي أعظم السورة في القرآن. Et c'est bien sûr la sourate la plus importante dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Donc louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux. هناك الحمد لله. Donc il y a ici الصفات الألوهية. صفات الألوهية. رب العالمين. صفات الربوبية. الرحمن الرحيم. Et ici donc la troisième sifa. Donc on retrouve les trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont en plus les premiers noms rassemblés dans la sourate la plus importante au début du Coran. Fi awwal kitab, fa Allah jama'a afdal wa ashmal al-ma'ani. Allah subhanahu wa ta'ala à englober, à rassembler les sens les plus importants dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa fi hadhihi as-sura, sourate al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala yabda'u bil-hamd, li'anna al-hamd, الحمد لله أولا وآخرا وهذا آخر كلام الذي يقوله العبد إذا دخل الجنة وأول الكلام الذي يقوله في افتتاح القراءة بالفاتحة donc الحمد déjà الله سبحانه وتعالى il se loue par lui-même لأنه رب العالمين لماذا هناك سبب il y a un سبب il y a une cause pourquoi الله dit الحمد لله car en vérité la cause c'est Alhamdulillah parce qu'il est le Seigneur de nous. Hunaka jalham bisabab. Alaysa hunaka alhamd yuqal imma bisabab ou bighayri sabab. N'est-ce pas que le hamd se prononce ou par cause ou pour nous, il n'y a pas de cause. Ida shribta alma fa anta taqulu alhamdulillah. Lorsque tu bois de l'eau, tu dis alhamdulillah. Fa hunaka sabab. Ida mashayta fi at-tariq wa qulta alhamdulillah hakada. ذكر الله عز وجل فهناك بغير السبب والفرق بينهما في الحسنات إنما بالسبب يكون بعشرين حسنة وأما بغير السبب يكون بثلاثين حسنة بدليل صحيح donc lorsque tu le dis et que tu prononces ce hamd avec ton cause tu auras 20 hasanat tu as bu de l'eau tu as mangé on te demande si ça va tu dis alhamdulillah lorsque tu termines. Le fait qu'il y ait une cause, parce que tu dis Alhamdulillah pour une raison quelconque, tu auras en récompense 20 hasanah. Et si tu le dis sans raison quelconque, tu auras 30 hasanah. Il y a une différence par rapport aux deux. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et ici, Allah. Donc, l'ism yani bil uluhiya. Rabbil Alamin, Seigneur des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim. Le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et tous les noms d'Allah Azzawajal qui ont à voir avec sa miséricorde, Al-Jawwab, Al-Ta'ib, Al-Akhiri, donc tous les noms d'Allah Azzawajal qui montrent qu'il y a sa miséricorde dans ces noms-là et dans ces attributs-là, ils retournent à Ar-Rahman. Ils retournent à cette sifa, Ar-Rahman, à la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puis après ici, Malik Yawmiddin. On revient bien sûr ici, dans la Fatiha, à quoi ? Une sifa qui. Donc cette sifa, c'est quoi? C'est la sifa de Rububiya, le maître du jour de la rétribution. Fafi dunya, qad yakun shakhs, malikan li siyaratihi, malikan li bayt, malikan li ashiya, fahu malik hadil ashiya. Donc dans la vie d'ici-bas, la personne est maître de sa maison, est maître de sa voiture. Donc elle sera en vérité celle qui possède cette voiture et la khiri. Lakin, حتى في الكلام في كل شيء même sur التصرفات c'est-à-dire comment tu vas agir tu as envie de marcher tu as envie de t'arrêter c'est toi qui décides de cela أما يوم القيامة لا مالك يوم الدين وهناك الملك تام le jour dernier non car le jour dernier c'est une royauté qui va être en vérité complète hein, qui va être exclusive à Allah حتى في الكلام إلا من أذن له الرحمن وقال صواب Pour parler, la personne, elle devra demander à Allah. Sauf si Allah lui aura accepté, lui aura donc autorisé, et il dira que vérité. Il ne dira que vérité. Et après, vient juste après cela, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Donc en vérité, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in bi tawhid al-rububiyya wal uluhiyya wa asma wa sifat allati kanat qabl ». C'est-à-dire, « Oh Allah, on t'adore et on demande ». De l'aide auprès de toi avec les trois types d'unicité qui sont passés auparavant dans ce verset. Par l'uluhiya, la divinité, par la seigneurie, Rububiya, et par Asma wa Sifat, par l'Asma wa Sifat. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses attributs, qui sont en plus mentionnés dans les versets qui sont auparavant. Et aussi, lorsqu'on retrouve aussi dans toujours Asrar Hadil Fatiha, donc en vérité dans les secrets que cache. Cette fatiha, et que l'hamdulillah, l'ulama ont compris, bima fataha Allahu alayhim, dont ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait comprendre de cette fatiha, c'est qu'il y a aussi arkan al-ibada, il y a en réalité aussi arkan al-ibada, التي هي ثلاثة أركان للعبادة: الرجاء، الخوف والمحبة. المحبة، الخوف والرجاء. ici il y a الحمد لله. فالحمد هنا المحمود هو الله سبحانه وتعالى. فأنت حمدت الله عز وجل بالجمال وبالثناء عليه. فالمحمود لا يكون إلا بالمحبة. Donc lorsqu'on dit Alhamdulillah, celui qui est loué par tout ce qui est bon, par tout ce qui est beau, c'est que lorsque tu loues, c'est que tu aimes. Tu ne loues que ce que tu aimes. Et là vient donc Al-Mahabba, allati hiya afdal wa a'la arkan al-iman wa arkan al-ibada. Et c'est aussi le pilier des trois les plus importants. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il le compare à un oiseau. Il dit: donc l'adoration est comparable à un oiseau. La tête, c'est l'amour. L'espérance, c'est une aile. Et la crainte, c'est une autre aile. Si tu lui coupes la tête, l'oiseau meurt. Donc si tu n'aimes pas Allah, tu n'as pas d'adoration. Ton adoration est vaine. Elle meurt. Donc tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu n'aimes pas. Et si tu vas adorer, mais si on venait à lui couper une aile ou une autre aile, donc c'est-à-dire l'oiseau en vérité ne pourra pas voler. Tu ne vas pas adorer comme il le faut, ou par crainte. Et puis, donc tu vas en vérité penser, la tufa kilo ila fil wa'id. Donc tu ne vas penser que par la menace. Or imma bir raja et la yadur al marsiya, yani la yadur iman ma al marsiya. Dans le sens où la foi en vérité ne sera pas touchée par rapport que si, par exemple, tu faisais des péchés. Ça, c'est... Elle a dit, yani ghalaba alayhi janib ar-raja. Celui qui, en vérité, exagère, elle a dit, lahu ghulu fil mawdu. Celui qui exagère dans le sujet, dans le domaine de l'exagération, dans le domaine de l'espérance. Il espère trop, du point au point où il commet des péchés, énormément de péchés, ça ne le dérange pas. Car il se dit que les péchés n'ont pas d'influence sur l'adoration. Et contrairement aux autres aussi, qui disent que le péché fait sortir de l'islam, comme Al-Khawarij ou bien d'autres, Al-Mu'tazila Kazalik, ceux-là disent ça. Donc on les appelle Al-Wa'idiyya. Et en vérité, ils ne pensent qu'à la menace. Donc ils sont désespérés. Qanitou min rahmatillah azza wa jal. Ils ont en vérité désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, il y a donc les trois piliers dans Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc ça, c'est le premier pilier, Al-Mahabba. Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est quoi? C'est l'espérance. Malik Yawmiddin, c'est le khawf. Donc là, on retrouve aussi dans ces trois versets, les trois piliers. Le premier pilier, l'amour. Le deuxième, l'espérance. Et le troisième, la crainte. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. La même chose. Oh Allah, on t'adore aussi avec ces trois piliers. Donc on t'adore avec Rububiya, Uluhiya, Wasma, Sifat. Et on t'adore aussi Bihadil Arkan al-Thalatha, Arkan al-Ibada. Naam. Donc ça, c'est parmi les asrar qu'il y a dans, en vérité, dans Surat al-Fatiha. Et aussi, vous voyez que ça démarre déjà fort, rien que par rapport au nom et attribut, et aussi par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, si on peut rajouter aussi dans ça, c'est que Surat al-Fatiha, elle représente aussi arkan al-du'a. Elle représente aussi les piliers de la du'a. Ou bien, fada et la du'a. Ou bien, en vérité, les bienfaits qu'il y a dans les du'as. Car dans les du'as, la meilleure façon de faire, c'est de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Anta tuthni ala Allah subhanahu wa ta'ala. Bi asma'ihi, l'ula, wa sifatihi. Bi asma'ihi, wa sifatihi. Wa kathalika, tukhbir, bi annaka abdan lillah subhanahu wa ta'ala. Tukhbiru, bi annaka taqbilu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Bi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc ici, on retrouve déjà dans le Fatiha aussi les piliers de la dua qui sont par le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après, tu dis que tu es en vérité le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Même si c'est général, mais tu es en train de dire que tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu l'adores. Et ça termine par quoi? Par talab. Ça termine par la demande. La dua, c'est une demande, c'est un talab. Ihdina salat mustaqim. Jusqu'à la fin. Tu vas commencer en vérité à faire les bienséances. Et celui qui pourrait me réciter Sayyid al-Istighfar, il va retrouver la même chose. Il va retrouver les piliers. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani, ana abduka, wa ana ala a'dika wa wa'dika ma stata't. N'est-ce pas que si Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani. Tu es en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala bil jamil. Qu'est-ce que tu dis après? Ana abduka wa ana ala a'dika wa wa'dika ma stata't. Donc tu montres ici aussi que tu es un serviteur d'Allah. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi. Donc là c'est long par rapport au serviteur ce qu'il demande, et après il termine par quoi? Farfilli, et pardonne-moi. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. La demande elle est en la fin. Vous voyez que les trois piliers sont restés, ils sont en vérité respectés. Et d'autres, nous retrouvons en vérité d'autres, les grandes doigts, de façon générale, vous allez remarquer que c'est cela. On va retrouver en vérité, c'est tawassul ila Allah bi isma bi asma'ihi, hein, wa sifatihi wa tawassul ila Allah bi af'alik. N'est-ce pas qu'on demande à Allah Azza wa Jal, si on parlait de tawassul, tawassul ila Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est bi asma'ihi wa sifatihi. Ou bien bi af'alika tayyiba. Donc par tes actes qui sont bons, ce que on a vu chez les trois qui sont retrouvés dans la grotte lorsque la pierre s'est refermée sur eux, donc les montagnes, il y a eu donc une sorte d'avalanche, une pierre est tombée, elle a coincé cette grotte jusqu'à ce que chacun a invoqué Allah Azza wa Jal, de par quoi ses actes pieux, ses bonnes actions. Et puis après, bi rajulin salih hay, hein, hadir wa qadir. Et après c'est par une personne pieuse qui est vivante, présente et capable de le faire. Donc ça c'est ça c'est les conditions pour la personne. Charts, yakunia, hadir, hay, wa qadir. Donc il est en vérité hadir, hay, wa qadir. Rajul, yani rajulun tayyib, ou rajulun salih. C'est un homme qui est pieux. Comme ils ont fait lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire tomber la pluie, yom al-jum'a. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jalla, fait istisqa. Et qu'après ils sont passés bi'ammihi, ils ont demandé à son oncle al-Abbas. Ils ont demandé à son oncle al-Abbas. Par respect à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada ihtiraman li'ami al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma ujoudi Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali. Ma annahu talabu li al-Abbas. Ils ont demandé à al-Abbas. Et ça c'est par respect à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bi'ammihi al-am bi-manzilati al-ab. L'oncle paternel qui est en réalité du niveau du père. Qui est en réalité du niveau du père vis-à-vis du respect. Et ils n'ont pas demandé à Ali, que lui aussi, pourtant il faisait partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, « I'lam anna hadhihi sura ijtamalat ala ummahat al-matalib al-aliya atamma al-ijtimal. » Sache que cette sourate comprend et comporte les mères des demandes, donc les demandes les plus importantes, hein, et qui sont en plus les plus complètes. Et on a vu arkan al-du'a, arkan al-ibada, hein, arkan al-tawhid. On est passé par tout cela, les points les plus importants. Ton unicité, ton adoration, et bien sûr, ta demande. Tout cela, en vérité, englobe toute la religion. Wa tadamanatha akmal tadammun. فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع أسماء الحسنى وصفة العليا إليها ومدارها عليها وهي الله والرب والرحمن. Donc Shir dit bien qu'en plus on revient ici au nom, car c'est le sujet ici, donc les trois noms à partir desquels on revient, donc Allah, Ar-Rab et Ar-Rahman. Donc lorsqu'il dit وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. Cette sourate, elle a été bâtie. Elle a comme pilier, donc justement, ces trois noms-là. C'est vrai qu'Allah, il commence par cela. Il commence par cela. Donc, ils sont basés sur ces trois noms-là. Et après, il termine par « Iyaka na'budu ». Donc, c'est toi que nous adorons. C'est toi seul, « Iyaka ». C'est toi seul. Donc, on comprend bien qu'il y a « Taqdim al-hasr ». Donc, ici, « Iyaka adat al-hasr ». Donc, ce qui signifie que toi seul, sans autre que toi. Nous adorons. Et là, c'est mebni ala l'ilahiyya. L'ibada ou l'ilahiyya, c'est la même chose. Si on dit tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ibada, c'est la même chose. C'est en vérité, on parle de la même chose. Du même type d'unicité. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi dont nous demandons de l'aide. Il dit ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, hada ala al-rububiyya. Mebniyun ala al-rububiyya. Il est bâti sur quoi? Al-rububiyya. Sur les actes d'Allah. Donc la seigneurie. Hein, donc lorsqu'on dit « Rububiyya », c'est-à-dire « Afhalullah », ce que Allah fait. C'est ça, Rububiya. وَالطَّلَبَ الْهِدَايَا إِلَى صَلَاتِ الْمُسْتَقِيمِ صِفَةُ الرَّحْمَةِ. Lorsque tu dis اِهْدِنَا صَلَاتِ الْمُسْتَقِيمِ, tu es en train de demander en vérité la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ressort dans ce verset quoi? Sifat, une sifa, une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, un attribut qui est l'attribut de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة. Et la louange va englober ces trois points-là. Va englober ces trois points-là, ces trois éléments. فهو المحمود في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. Il est en vérité louable, loué par sa seigneurie, par sa divinité, et par ses noms et par ses attributs. C'est pour ça qu'on a commencé par Alhamdulillah dans tout ce qu'il y a dans cette sourate. Alhamdulillah pour tout ce que l'on retrouve en vérité dans cette sourate. Et ici, donc on va commencer par Allah. Donc ici, Allah Azza wa Jal, comme a dit par les ulama, l'ismullah Azza wa Jal, إنه اسم الله الأعظم إنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وهذا الاسم له خصائص وميزات. Donc on va parler du nom Allah, de Allah qui est Alam. Ici ce nom là c'est pour plusieurs savants c'est le nom le plus important à partir duquel si on l'invoque il donne et si on demande par donc il exauce. Et si on demande, il donne. Il donne. Et ce nom a des spécificités. Que pour ce nom. Elle a en vérité des caractéristiques qui sont propres à elle. وَمِنْ خَصَائِصْ هَذَا الْإِسْمِ أَنَّهُ الْأَصْلِ لِجَمِعْ أَسْمَى اللَّهِ الْحُسْنَى وَصَائِرْ أَسْمَى اللَّهِ الْحُسْنَى رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا الْإِسْمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى. Donc ici, donc ce nom-là, et le nom le plus important, pourquoi? D'après certains savants, car c'est le nom à partir duquel tous les autres noms reviennent. Ils donnent des preuves en cela. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى. Et à Allah appartient les bons noms. Donc si on mettait dans un tableau Allah d'un côté et les autres noms, donc tous les noms reviennent à Allah. Et à Allah appartient quoi? Les bons noms. C'est-à-dire tous les noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ilah Khilihi, donc ils reviendraient à quoi? À Allah. C'est pour ça qu'ils disent que c'est Al-Ism Al-A'zam. On ne dit pas Walil Malik Al-Asma Al-Husna. On ne va pas trouver ça. On revoit à chaque fois Walillah Al-Asma Al-Husna. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que c'était le nom le plus grand. Il y a encore d'autres preuves par rapport à cela. C'est Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asma al-husna. Donc on voit qu'Allah, nulle divinité à part lui, et il a les plus bons noms. Allah a les plus bons noms. Donc on comprend que les plus bons noms sont quoi? Sont des sous-bassements. Ils passent sous le nom d'Allah. On comprend par rapport à cela. Et il n'y a pas d'autres noms qui ont été utilisés par rapport à ça. Aussi, donc on retrouve encore d'autres versets par rapport à cela. وَيُقَالْ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ. Et on dit en plus, donc les autres noms, comme le miséricordieux, le tout miséricordieux, le créateur, le subsisteur, celui qui donne, le puissant, le sage, font partie des noms d'Allah. On ne dit pas le contraire. On ne dit pas Allah fait partie des noms du sage. Ou bien Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim font partie des noms du sage. Ou autre. On retrouve à chaque fois que tous ces noms font partie des noms d'Allah. Donc ça, c'est parmi les spécificités. Il y en a encore d'autres. Et parmi aussi les spécificités, c'est que tous les noms reviennent à celui-ci. Donc il dit juste ça comme ça. Et parmi les autres encore, c'est que par rapport où le nom Allah ne change pas, par rapport au tarif, Alif Lam, il ne tombe pas, contrairement à tous les autres noms. Tous les autres noms, on peut les enlever. On peut dire Ya Rahim. On n'est pas obligé de dire Ya Ar-Rahim. On peut dire on dit Ya Rahim, mais Allah, on ne l'enlève pas. C'est la spécificité de la langue arabe qu'il y a pour Allah. Alif Lam, il reste. Ya Allah. Parce que c'est en vérité Munkawan min Al-Ilah. C'est en vérité. Donc, le rassemblement du mot Al-Ilah. Ici, c'est Ya Rahim, on peut le dire. Parce qu'on sait Ya Nida, c'est déjà donc, quelque chose qui va te faire connaître. Ya Mu'arraf. Donc, il ne va pas avoir un deuxième tarif, il n'y a pas besoin. Le Ya, il suffit. On dit Ya Rahim. On ne va pas dire Ya Ar-Rahim. Et aussi, donc ça, c'est pour la langue arabe. Hein, aussi, parmi les spécificités, c'est que Jami' al-Athkar, al-Ma'thura, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zukilet bi ismillah subhanahu wa ta'ala. On dit Allahu Akbar. On dit Alhamdulillah. Donc on a Allah dans Allahu Akbar. Alhamdulillah dans Allah dans on a Allah dans Alhamdulillah. Subhanallah. On a encore une fois Allah. On n'a pas utilisé d'autres noms que celui d'Allah. On a aussi La ilaha illallah. On a aussi La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez que son nom est tout le temps revenu. Il revient à chaque fois. Donc c'est parmi les preuves ou bien les spécificités que c'est le grand nom. Aussi, parmi les spécificités, c'est qu'il a été mentionné que Matal Shir, yani Wamil Khasais Annahu Akfal Asmaillah al-Husna Waridan. Urudan fil Quran al-Karim wa qad warada hada al-ism fil Quran akthar min 2100 marra wa hada ma lam yata' al-ism akhar wa qad iftataha Allah azza wa jal 33 aya. Donc Allah azza wa jal a mentionné ce nom plus de 2200 fois dans le Coran. Vous voyez un peu? Donc plus de 2200 fois il y a le nom Allah prononcé dans son livre subhanahu wa ta'ala. Et aussi Allah a débuté 33 sourates, 33 versets avec ce nom-là. 33 versets avec ce nom-là. Et après, bien sûr, lorsqu'on parle de Al-Khasa'is Al-Ma'nawiya, La Ya'lamuhu Illallah. Donc après, les spécificités qui ont à voir avec le sens, Al-Ma'na, La Ya'lamuhu Illallah Subhanahu Wa Ta'ala. C'est que Allah Azzawajal qui connaît. Car Allah Azzawajal a caché, bien sûr, des noms auprès de lui que personne ne connaît. Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas des noms et attributs d'Allah. Jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'Allah dit La ursi thana alayka anta kama thanaita ala nafsik. Je ne peux pas en vérité te louer de la meilleure façon, de la façon la plus parfaite, comme toi tu t'es loué par toi-même. Mahma fa'at, mahma fakart, mahma qult, la tastatir. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu médites, que tu penses, tu ne pourras jamais en vérité louer Allah comme il le mérite. Parce qu'on ne l'a pas vu. Même si on le voyait, ça ne suffirait pas. Parce qu'il n'y a que lui qui sait exactement ce que vaut ses sens. Et nous, on n'arrive pas à connaître ça ses noms. Il n'y a que lui qui comprend le sens de tous ces noms-là. Et nous, on est restreint par rapport à cela. On est en vérité restreint par rapport à cela. Hatta al-Nabi s'enseigne lui-même, l'avoue. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avoue. Alors que dire de nous-mêmes? Que dire de ceux qui sont moindres et loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, lorsqu'on dit Allah, yani asluhu al-ilah, asluhu al-ilah, yani al-ma'boud. Lorsqu'on parle de Allah, on parle automatiquement de l'adorer. C'est pour ça qu'on retrouve énormément donc le fait d'adorer Allah. Le fait d'adorer Allah. Et des fois, on va retrouver arabe, c'est possible, dans certains versets. Mais on retrouve le plus le mot Allah. Par rapport, justement, à l'ibada, al-ubudiyya. Et ici, Ibn Abbas, radiallahu ta'ala ta'ala, قال Allah ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين فهذا أفضل معنى الذي ذكر لإسم الله تبارك وتعالى. Le meilleur, ou bien la meilleure explication, la meilleure définition pour mentionner, pour dire qu'est-ce que veut dire Allah, c'est donc Allah ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Allah, celui qui possède la divinité, ainsi que العبودية ici, donc l'adoration, donc il est la divinité aussi, le fait de l'adorer, donc envers tout le monde, envers toute sa créature. Donc toute sa créature doit en vérité le prendre comme Dieu et doit l'adorer. Et doit l'adorer. Ça, c'est la meilleure explication qui existe, qui a été faite par Ibn Abbas, radiallahu anhu. Lorsqu'on dit donc, ici, dans le wasf al-awwal, yani al-uluhiyya, c'est-à-dire en vérité, donc, al-uluhiyya revient à quoi? Automatiquement, al-ilah, al-ma'boud. Ici, il revient à al-ma'boud. C'est comme si tu disais al-alim, il revient à quoi ce nom? Ada sifa, al-alim. Donc c'est quoi? C'est ism. وترجعوا إلى صفة. العلم. صفة العلم. Donc en vérité ici, cet attribut en français qu'on dirait par exemple, donc le savant, revient à un nom qui est en vérité la science. Qui est en vérité la science. Et c'est la même chose pour Uluhiyya, revient en vérité à quoi? Al-Ilah. Al-Ilah qui veut dire l'adorer. Donc si il mérite cette adoration, donc bien sûr, s'il mérite d'être le Dieu, il mérite automatiquement d'être adoré. Il y a un lien qui ne peut pas se dissocier. Il y a un lien qui ne peut pas se dissocier. Et lorsqu'on dit Al-Ubudiya, bien sûr, on sait que c'est que tout doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit wa huwa alladhi fis sama' ilahun wa fil ardi ilahun. Donc que tu sois en vérité sur terre ou que tu sois dans les cieux, tu dois l'adorer. Ça ne veut pas dire ici dans le verset qu'il y a deux dieux. هذه الآية لا تعني أنها في الأرض إله وفي السماء إله أو أن تقول الله في كل مكان لا وإنما مهما كان أنت في الأرض والملائكة في السماء كلنا نعبد الله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها. Donc en vérité tout ce qui vit dans les cieux et dans la terre et sur la terre adore Allah سبحانه وتعالى adore en vérité Allah سبحانه وتعالى. Donc on a vu de façon générale vis-à-vis du mot Allah. Et maintenant on va voir Ar-Rab. Wa huwa ismun 'azimun lillah jalla wa 'ala takarrara uruduhu fi al-Qur'an al-Karim fi maqamat 'adida wa siyaqat mutanawwi'a tazidu 'ala 500 marra. Hein, 500 marra. Donc ce nom qui est aussi illustre, énorme, il a été mentionné plus de 500 fois dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est beaucoup, c'est énorme. 500 fois, c'est beaucoup. Même si Allah, c'est beaucoup plus de 1200. Mais 500 fois, c'est pas peu. C'est énorme. Allah dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc il commence. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Il a commencé déjà ici par rapport au mot Rab. Au mot Rab. Qui veut dire le Seigneur, le Maître. Et aussi, وَقَالَ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Certes, ma prière et mon immolation, fan nusuk, imma dhakr, ou imma l'ibada. Nusuk, ça peut très bien être, ça dépend du contexte, ça peut très bien être l'immolation, le sacrifice que tu fais, ou de façon générale, le rite religieux, l'adoration que tu fais. Donc, c'est nusuk, c'est aussi un rite. C'est une immolation, comme ça peut être un rite. Ça dépend en vérité du contexte où il a été en vérité mentionné. Comment apprécie et ma vie et ma mort. Pour Allah, Seigneur du monde. Ici, Allah rejoint entre Al-Uluhiyya et Al-Rububiyya. Que tu dois en vérité savoir que quoi, que tu vas l'adorer et que tu vas demander aussi secours et de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est rejoint ici. C'est en vérité un rassemblement entre Al-Uluhiyya et Al-Rububiyya, comme si tu disais en vérité Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ma vie et ma mort. Hein? Hatta la mort. Tu meurs en vérité en état de musulman. Tu meurs en état de croyant. Et si possible, talqin. Si possible, bien sûr, de, en vérité, de faire prononcer la parole, la shahada, avant la mort. Et toute ta vie. Donc toute ta vie, c'est bien sûr pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en adoration constante. Et aussi Allah dit, pour montrer aussi toujours, Rububiya wa ma tasha'una illa an yasha Allah, Rabbul alamin. Et vous ne voulez pas que si Allah veut, Seigneur des mondes, que si Allah veut, sah, nous en vérité, on n'est pas en vérité majbourine. C'est-à-dire ce qu'on fait, on le fait de notre propre vœu, le désir. C'est nous qu'on décide de faire. Mais Allah te laisse faire, tout simplement. Il a décidé de te laisser faire. Mais il te laisse faire. Et il sait que tu vas faire cela. Mais il ne t'a pas obligé de le faire. Il te laisse faire. Tu es libre. Et c'est pour ça que tu vas être jugé. Parce que sinon, ça ne voudrait rien dire. Et c'est justement ce Al-Jabriya, ceux qui croient, en réalité, que tout ce qu'ils font, c'est Allah qui a décidé, un point c'est tout, c'est Maktoub. C'est Maktoub que je fais par la prière, alors je ne sors pas. C'est Maktoub. C'est pas comme ça. Al-Amal, en vérité, la personne, elle doit en vérité, justement, activer. Elle doit en vérité mettre en œuvre. Elle doit en vérité mettre en œuvre afin qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien salamun qawlan min rabbil rahim. Ici donc le salut hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qawlan. Allah a commencé par salam. Le salut. Donc paix. Parole du Seigneur miséricordieux. Min rabbil rahim. Une parole du Seigneur miséricordieux. Là, encore une fois dans ce verset il y a mentionné des noms les plus importants. Rububiya, la seigneurie ainsi que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam, il dit ici paix. Dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne du bien, il commence ici salamun, salamun ala Ibrahim, salamun ala Nuh, salamun, à chaque fois il dit paix ou quoi, lorsqu'il veut mentionner en bien les gens. Lorsqu'il veut mentionner en mal, il commence par en vérité ce qui va donner au mal, si c'est l'ana. Il commence jamais, c'est-à-dire ici, il va quoi? Il va en vérité parler et puis mentionner le mal après. Lorsqu'il sent bien, il commence tout de suite. Allah commence tout de suite par mentionner le bien. Paix à Ibrahim. Donc lorsque tu entends paix, tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe après cette paix. Ça t'intéresse. Tu es en vérité averti, tu fais attention, tu veux écouter. Fais choc. C'est pour ça qu'Allah commence par cela. Ça t'intéresse, tu veux savoir. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux gagner en vérité comme hasanat derrière ça, derrière cette paix? Pour Ibrahim. Donc tu vas voir qu'Ibrahim, il profite de la paix d'Allah. Et lorsque c'est en vérité un châtiment, Allah il raconte les gens et après il leur donne le châtiment. C'est autre chose. Afin justement de quoi? De ne pas les rendre intéressants. De ne pas les rendre intéressants et aussi afin qu'ils n'ont pas cette miséricorde et ce choc comme il le donne aux croyants. Il y a une différence en vérité lorsqu'Allah cite les mécréants, cite ceux qui méritent sa colère, cite ceux qui méritent sa miséricorde, sa afwan, sa malédiction, contrairement à ceux qui méritent autre chose, qui vont mériter en vérité, en réalité, sa miséricorde, son salut et la khéli. Non, il y a une différence. Et ici, bien sûr, Ibn Jalal al-Tabari, rahmallah, il dit, Arab, fil kalam al-Arab, mutasarrifun ala ma'an, fa sayyidu al-muta, fihim yuda rabban. Donc, Ibn Jalal al-Tabari dit, lorsqu'on parle du Rab, dans la langue arabe, chez les Arabes, qui veut dire en vérité, il a plusieurs sens. Le Sayyid, le Moutard, donc le chef de la tribu, par exemple, qui est obéi, le chef de la tribu qui est obéi, on dit Rab, Rabbu, quoi? Hadil Kabila. Donc le seigneur de cette tribu, on va dire le seigneur de cette tribu, c'est permis. C'est Yajuzhan, c'est permis. Parce qu'en vérité, on le restreint à quelque chose. Il y a quoi? C'est le seigneur de quelque chose. Donc, Oudifa, il a réélu. Donc en vérité, on l'a rejoint à quelque chose d'autre. Seigneur de la tribu. Donc c'est permis. Ou bien, Warajulu, al-Muslih, yani al-Shay, Yuda, Rabban. Donc c'est la même chose. Parce que Rab, en vérité, ça rentre de Tarbiya, Rabbani. Donc lorsqu'on dit Rab, une personne qui arrange les choses entre les gens, une personne qui sait bien, en vérité, arranger les choses lorsqu'il y a des problèmes entre les gens et autres, quelqu'un qui sait bien arranger les choses dans les situations difficiles, on l'appelle donc Rajulu, hein, Rabbani, ou bien Rabbani. C'est permis. Parce que, on le place dans un contexte. Donc en ce moment-là, c'est permis. Et la même chose, le malik liché, yuqalu kadalik rabban. Yani rabbul dar. Ça, rabbu dar. On le dit, ça se dit chez les maghrébins. En vérité, rabbul dar. Donc le maître de cette maison, le propriétaire de cette maison, le chef de la maison, sayyid dar, rabbul dar. C'est permis. Nous dire, c'est parce qu'encore une fois, on l'a attribué à quelque chose. C'est pas venu seul. C'est pas en vérité venu absolu ou brut. Tandis que si c'était venu brut, ça serait bien sûr que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit Rab, ya Rab, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire Rab pour quelqu'un. Ça, c'est que pour Allah. Mais ici, Rabbu Dar, c'est bien sûr le maître de cette maison, par exemple. Et ici aussi, lorsqu'on parle de Tarbiya ou de Rububiya, en vérité, il y a deux types de Rububiya. Il y a celle qui est Amma, hein, Rububiya Amma. وهي تشمل كل مخلوق برا أو فاجرا مؤمنا أو كافرا سعيدا أو شقيا مهتديا أو ضالا وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط والكشف ركوب وإغاثة الملعوفين. Donc Allah Azza wa Jalla dit Yas'aluhu min fi samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi shan. Donc ici, lorsqu'on parle de Rububiya qui est Amma, générale, elle va englober tout le monde, toute la création, donc toutes les créatures, qu'ils soient obéissantes, que ce soit une créature obéissante, que ce soit une créature désobéissante, que ce soit une créature croyante, mécréante, heureuse, malheureuse, guidé, égaré, donc cette tarbiya, Rububiya, en vérité, elle fait profiter tout le monde. Par risque, el-khalq, il leur donne Même celui qui ne va pas croire en Allah, Allah Azzajal, il va lui donner des enfants. Il va lui donner de l'esprit. Combien de riches existent chez les non-musulmans? C'est rempli. Et tadbir, le fait, donc, c'est lui qui gère tout cela, Allah Azzajal. Wal in'am, c'est lui qui gracie tous ces gens-là par ses bienfaits. Et ça, en vérité, c'est justement donc tarbiya qui amma, l'ata wal man. Il donne, il interdit, il rabaisse, il élève, il donne la vie, il la reprend. Aussi, il fait de toi un allié, il fait de toi quelqu'un qui sera séparé des gens. Il reprend, hein, donc aussi, il donne avec largesse, ou il retient, il enlève les difficultés. C'est pour ça que lorsqu'on dit, hein, il te questionne, donc on te questionne qui est dans les cieux et sur la terre, tu lui réponds, c'est lui qui en vérité qui gère toutes les choses tous les jours. Hein. Chaque jour, c'est lui qui en vérité qui décide. Shen, ça veut dire en vérité, il décide de tout ce qui se passe. Tout ce que les gens sont en train de faire. Tout ce que les gens sont en train de faire. Tous les actes journaliers, Allah Azzawajal, bien sûr, les connaît tous, et c'est lui qui gère tout ça. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas châtiés. Ma'adabahum, Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kana yu'addibu l'aqwam. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ففي بركة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لا يعذب قوما يعني كما فعل مع عاد وثمود وغيرهم من الأقوام depuis la venue du prophète صلى الله عليه وسلم et la baraka de cette venue la bénédiction de la venue du prophète صلى الله عليه وسلم Allah a décidé ici de ne plus lorsqu'il y avait des péchés de ne plus châtier complètement la communauté comme il faisait avant لكن هناك يكون اشتباك بين الناس مشاكل بين الناس mais simplement Allah Azza wa Jal a voulu qu'on se divise et qu'on se fasse des histoires les uns les autres. Voilà comment en vérité on reçoit nos châtiments. بأيشي بالاختلاف عن أيشي عن الجادة عن الكتاب والسنة على فهم السلف. Donc en vérité pourquoi on se divise? Car en vérité on s'éloigne par les péchés et par le fait de s'éloigner de la vérité et de s'éloigner du Coran et de la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs. Alaysa hunaka qissa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lama arada an yukhbira an-nas bi laylat al-qadr. N'est-ce pas qu'il y a une histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire aux gens quel est le jour de la nuit du destin? Ça aurait été une grande ni'ma pour nous, une facilité. On la connaît. On connaît le jour, c'est sûr. À ce moment-là, comme ça, tu es sûr, parce qu'en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit que c'est spécialement ce jour-là, tu ne vas pas le lâcher. Donc tu vas bien profiter de ce jour-là. Lakin madara, madara, ra'a, rajulan, hein? Yartasiman. Ça? Donc il a vu deux hommes qui, quoi, qui se disputent. Fanasiya al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a oublié? Comment il a oublié? À cause de la dispute. Il a vu deux gens qui se disputent. Quelle est leur relation? Pourquoi? Pourquoi alors il dit j'ai vu deux hommes se disputer et après j'ai oublié? Il y a une relation avec l'oubli et la dispute. Les gens se divisent, voilà, qu'est-ce que ça fait? Yumhaq, atubhaq al-baraka. La baraka, elle se divise. Non. À chaque fois que deux personnes se divisent, c'est parce qu'il y a eu chez l'un des deux ou bien chez les deux des péchés qui ont été commis. C'est ça en vérité. La division, elle vient des péchés qu'on fait. La division, elle vient des dhunoub. Il ne faut pas croire qu'elle vient des fois hein, de l'intelligence spécialement ou quoi. Elle vient en vérité des péchés qu'il y a de façon générale chez les gens. Donc ça c'est aussi parmi, donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal ne les a pas châtiés. Bel, alayhi hunaka yani rahmatullah sabaqat yani ghadabahu inna rahmati sabaqat ghadabi. Certes ma miséricorde elle prévaut et elle devance quoi? Elle devance ma colère. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur énormément de gens qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal. La bonne santé, l'intelligence, hein, les biens, les ceci, les cela. Tu as l'impression qu'ils sont même heureux. Ils sont, peut-être qu'ils font des choses à but lucratif, non lucratif et tout, mais tu les trouves quand même en entier qu'ils sont en paix avec eux-mêmes. C'est pas tout kafel que tu vas le voir en vérité, Moudaïr. Il y a des gens que tu vas les trouver de façon générale à l'aise. Parce que c'est Allah Zajel qui leur a donné cette miséricorde. C'est la miséricorde. Quand lorsqu'Allah dit ma miséricorde prévaut ma colère, c'est-à-dire qu'elle englobe plus de choses. Elle touche plus de choses, et même les koufars. Alors, ils profitent de cette miséricorde, des bienfaits et des ceci. Et c'est pour ça qu'elle prévaut la colère. Alors si c'était la colère qui aurait en vérité prévalue, ça ne serait pas comme ça pour eux. Ça aurait été différent. Ça aurait été différent, ça aurait été les châtiments qui tomberaient les uns après les autres. Il y aurait en vérité une grosse différence. Et Allah Azzajal a voulu, par sa hikmah, une sagesse derrière ça, c'est que c'est la miséricorde qui va prévaloir sur le châtiment. ثم إن إيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العبادة له وكمال الذل بين يديه فيقول تعالى وأنا ربكم فاعبدون. Et certes, le lien qu'ici qu'on retrouve en vérité avec Rububia et Uluhiya, c'est que la croyance en Allah, dans le fait qu'il est bien ton Seigneur, demande obligatoirement, ça va requérir quoi ? L'ikhlas, la sincérité en vérité dans l'adoration et le fait d'être avili, recueilli totalement. Donc tu te sens avili, tout petit. Tu es tout petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, entre ses mains, tu sais qui tu es entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, certes, je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Adorez-moi donc, car je suis votre Seigneur, celui qui vous a créé. Et ça, on sait que c'est la première sourate, hein, le premier verset qu'il y a dans sourate al-Baqarah, le verset 21, où il y a le premier ordre de quoi de reconnaître. Allah nous dit qu'il est bien donc le Seigneur, il nous demande de l'adorer, il nous demande aussi de ne pas nous donner d'associer. Premier ordre, première interdiction. Dans sourate verset 21 de sourate al-Baqarah, revenez-y, vous allez voir. Ici donc, ce qui veut dire en vérité, donc, où Allah dit, Ayyuhannas, obudu rabbakum, ô gens, jamais, ça c'est pour tout le monde. Donc, c'est dès que Allah Azzajal a décidé l'âge de la puberté, adorez votre Seigneur, avant pour entraîner. Le salat c'est pour l'entraîner, c'est des hasanet pour lui, mais c'est des sayyid pour toi si tu le délaisses. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici, lorsqu'il mentionne celui qui n'est pas pubère, qu'il faut l'entraîner, l'habituer après à l'âge de 7 ans, tu l'ordonnes, et tu le corriges à l'âge de 10 ans et tu les sépares dans les couches, hein, tu les sépares en vérité dans les couches dès un certain âge, les jeunes, afin qu'il n'y a pas un qui viendrait perturber l'autre, parce que peut-être un prix, l'autre prie pas. Si tu les laisses ensemble, il va avoir une mauvaise influence. Donc c'est pour ça qu'en vérité, tu vas les séparer. Tu les sépares pour justement que cette mauvaise influence part. Et si ici, c'est un même, elle, comme dit Cheikh Al-Antimi, il dit, c'est tellement le père, il est responsable. Tellement en vérité, tu es berger de ton fils. Tu es le grand responsable. Donc les péchés sont sur toi parce que tu ne t'occupes pas de ton enfant avant qu'il fasse la prière, avant l'âge de la puberté. Après, c'est lui le responsable. Mais une fois qu'il a goûté cela, qu'il est habitué à cela, il aime cela, il grandit, continue. C'est qu'une continuité pour lui, c'est en vérité une habitude. C'est en vérité une habitude pour l'enfant. Donc ça, c'est pour ça que lorsqu'on dit « naisse », on parle des gens, de tous ceux qui sont pubères. Mais j'ai donné un exemple pour pas oublier qu'en vérité la prière, c'est important, et aussi que ça commence avant la puberté, cela. Aussi, Allah Azza wa Jalla donc ne les délaisse pas. La yatruk, la yatruk mayani sudda hamala la yumaruna wala unhaun bal khalaqahum li ta'atihi wa awjadahum li ibadatihi fas'idu minhum man ata'ahu wa 'abadahu wa shaqiyyu minhum man 'asahu wa ittaba hawahu wa man amana bi rububiyyatillahi wa radiya billahi rabba wa bima ya'muruhu bihi wa yanhahu 'anhu ويقسمه له ويقدره عليه يعطيه إياه ويمنعه منه ومتى لم يرضى بذلك لم يكن محققا رضا بالله ربا من كل أجوه وفي الحديث ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. C'est hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Donc ici c'est comme ça en fait que la personne doit être. N'oublie pas qu'Allah ne l'a pas créé en vain. Il ne le délaisse pas aussi en vain. Il doit l'adorer. Il doit l'adorer comme Allah Azzajal lui a demandé. Il ne suit pas ses passions. Parce que le hawa, hein, ou bien le shubha, toutes les shubha, ou bien toutes les hawa qui existent en vérité chez les gens, ça peut être fiddin ou fiririddin. Quand on parle le hawa, ce n'est pas que fiririddin, c'est hata fiddin. Il y a déjà dans l'islam, ils ne sont pas rentrés dans l'islam en toute soumission. Ils n'ont pas tout accepté. Ça j'aime bien, ça j'aime pas. Là, c'est pour ça qu'ici, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, à goûter le délice de la foi. Dhaka ta'am al-iman. Donc, man razia, celui qui agrée Allah comme Seigneur, et l'islam comme religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme envoyé. Il prend, il va dire dans le Coran, ça me suffit. Je me suffis du Coran, mathalan. Ou il délaisse des points. En vérité, parce qu'ils ne se sont pas prêts. Tu ne te sens pas prêt, fais les efforts. Mais ne dis pas en réalité, c'est pas bien. C'est de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est la part du prophète, c'est la part d'Allah. parce que c'est un wahi. C'est la part de ton Seigneur qui t'a créé. Comme il t'a ordonné ce que tu aimes bien que tu fais, ce que tu aimes bien faire, et tu le fais. C'est la même personne qui t'a ordonné aussi celle que tu n'aimes pas faire, l'acte que tu n'aimes pas faire. C'est en vérité tout émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhaka ta'amel iman, il goûte le délice de la foi. Ce qui veut dire que celui qui n'agrée pas, et l'agrément d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est agréer Allah, c'est ce qu'il y a de plus haut. Lorsqu'Allah agrée de toi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce qu'il dit Allah vis-à-vis des compagnons? Radiallahu anhum wa radu anhum. Radiallahu anhum. Il n'a pas dit autre chose. Il a utilisé ce qu'il y a de plus haut. Allah agrée d'eux. C'est pour ça que nous, lorsqu'on parle des compagnons, qu'est-ce qu'on dit? Radiallahu anhum. On ne dit pas autre chose. Parce qu'il n'y a pas mieux. On ne peut pas trouver de meilleur que cela. Que de recevoir l'agrément d'Allah. Donc tu agrées Allah, tu la reçois. C'est donnant-donnant. Tu donnes et tu reçois. Allah, il te rend. Allah, il va te rendre. Parce que tu dois, toi, l'avoir agréé. Et après, Allah, il va agréer toi. Il va agréer toi. Tu dois quoi? En vérité, il faut que tu agrées Allah. Et ça, c'est fort. Les gens, ils vont se dire, les compagnons, certains ont pleuré, d'autres ont dit, comment nous, on agrée d'Allah? Allah, il agrée. Nous, normalement, c'est Allah qui doit agréer de nous. Dans le sens où, nous, on œuvre et Allah, il accepte ou pas? Et comment nous, on agrée d'Allah? Comment on agrée en vérité Allah? Comment on arrive à agréer Allah? Alors que Allah n'a pas besoin de cet agrément. Mais c'est tellement Allah il aime ses serviteurs. C'est tellement il a aimé les compagnons du prophète. Ridwanullah alayhim. Aussi, donc ici, à goûter les délices de la foi. Et je vais donner un exemple parmi les délices de la foi. Salat al-layl. Hein? Donc, qiyam al-layl. La prière de la nuit. Wa sallu wa nasniyam. Tadkhulul jannah bi salam. Le Nabi Sallam a dit, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité, en paix. En paix. Et on sait qu'il y a plusieurs façons de rentrer au paradis. Ils ont goûté ça, non seulement dans la vie d'ici-bas, ils ont eu halawat al-iman, ils ont eu les délices de la foi, par la prière. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'imam Ahmed, il va prier jusqu'à 300 rakha. On se pose des questions, comment il peut faire ça? Tellement c'est énorme, tellement c'est nombreux, tellement mashallah. Ils ont prié, Allah Azza wa Jal, il a ordonné, Aoujaba, Faja'ala Qiyamul-Layl Fardan, ala al-Muslimin. C'était obligé au début de l'islam. À peu près 10 ou 11 mois. Allah Azza wa Jal l'a rendu obligatoire au début de l'islam. Donc tout le monde priait. Et une fois que Allah Azza wa Jal a vu dans leur cœur qu'ils ont goûté à ce fruit de la foi, qu'est-ce qu'il a fait après? Il l'a rendu sunnah. Et comme ils aimaient tellement ça, ils ont fait quoi? Ils ont continué, tout simplement. Ils n'arrivaient plus à délaisser cette foi, à ce délice. À ce délice en vérité de cette foi. Mais Allah Azza wa Jal, par hikmah, par sagesse, il l'a rendu obligatoire. Comme on a vu des fois des choses qui sont contraires, qui sont obligatoires au début, et après, ou bien le contraire, qui ne sont pas obligatoires, qui deviennent après, par la suite, obligatoires une fois que les gens sont capables de faire cette chose-là, par exemple. Donc il y a une sagesse ici. Ils ont goûté, donc ici aussi le délice de la foi. Donc, parce que, al kulhal, les compagnons sont les meilleurs exemples. Fikul liché. Il dit que ce soit fil amal, fil aqwal ou fil afkar. Que ce soit aussi dans ce qui est intérieur, hein, que ce soit dans l'exact, et aussi que ce soit dans les paroles. Que ce soit dans les paroles. Et bien sûr, on retrouve dans les dalils ici, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in ». On parle automatiquement ici de « Rububiyya ». On va revenir donc à « Iyaka na'abudu » qui est le verset d'après Shir Islam Ibn Taymiyyah qui englobe le plus de sens du Coran, qui n'est pas le meilleur. Parce que le meilleur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était Ayatul Kursi. Il faut bien faire la nuance. Le meilleur, c'est Ayatul Kursi comme verset. Mais le verset qui englobe le plus de sens, c'est quoi? C'est ici, donc, Iyyaka na'budu, c'est-à-dire là où on va retrouver en vérité tout le Coran. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Parce qu'il y a l'ibada wa y'a l'inaba, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahmallah. Le retour vers Allah. Donc, c'est l'ibada, c'est l'inaba, le retour vers Allah. Et Iyyaka nasta'in, c'est tawakkul 'ala Allah. C'est le fait de revenir vers Allah. Donc il a dit que la moitié de la religion c'est Yakan Abudu et l'autre moitié de la religion c'est Yakan Astain. Tandis que Ayat al-Kursi, pourquoi? Parce qu'en vérité elle comprend, je pense, si je ne me trompe pas, 10 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. 10 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement parmi les attributs les plus importants. D'où l'importance en vérité des attributs d'Allah. La preuve, le meilleur verset, il y a des attributs. La meilleure sourate, il y a des attributs. Non. Ils ne sont pas oubliés. Et bien sûr, on sait que Tawhid, Ar-Rububiyya, et Abbas, on a parlé tout à l'heure, hein, par rapport au Tawhid, on sait que Hatta al-Mushrikoun, Aqarru bi-Dhalika. Donc ils ont accepté Rububiyya dans le sens où c'est Allah Azza wa Jal, Razik, Wal-Mudabbir, والخالق. C'est pas suffisant pour nous en tant que musulmans de s'arrêter à ça. Si on veut expliquer l'islam à nos frères, on lui dit que Allah, si tu veux expliquer quoi que tu veux, en vérité, quoi que ce soit dans la vie d'ici, bon, si tu veux expliquer une chose, tu vas expliquer comment la chose elle est. Si la chose elle parle, tu vas expliquer ce que la chose elle dit. C'est ça. Et si elle a des, donc si aussi elle fait, tu vas expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Et c'est ça Allah. Ce qu'il est, c'est quoi? Asma wa sifat. Ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit ou bien ce qu'il fait, ça rentre dans ce qu'il dit, on va dire, c'est ses ordres. Donc uluhiya, hein, ce qu'il nous ordonne de faire. Et ce qu'il fait, c'est bien sûr donc la création, le fait qu'il descend la pluie et la khili. Tu peux pas sortir. Tu verras que toute chose, tu peux pas sortir ces trois points-là. En vérité, dans toute chose, tu vas pas réussir à sortir de ces trois points-là. Tu auras besoin toujours. Il y a un wasf, il faut un attribut, il faut une qualité. Il y a aussi, comme on l'a dit, donc lorsque si on parlait de Rububiya, c'est l'afal, donc c'est les actes. Et l'uluhiya, c'est le fait, bien sûr, de ce que Allah nous a ordonné. C'est pour ça qu'on dit afal al-ibad, les actes en vérité des serviteurs, qu'ils ont été ordonnés par qui? Il faut bien un asl, il faut bien une origine. L'asl, c'est Allah. C'est Allah, c'est lui qui nous a ordonné en réalité cela. Donc voilà comment en vérité on peut décrire de façon générale Allah. Par les trois unicités qui sont justement ce qu'il dit, ce qu'il fait et comment il est. Naam. Kamwart. C'est pour ça que Allah dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَ اللَّهُ. Qu'est-ce qu'il dit? لَيَقُولُنَ اللَّهُ. Donc certes ils disent certainement Allah. Ce qui est de nous. Donc si tu leur questionnais qui a créé les cieux et la terre, certes ils diraient en vérité Allah. Ils reconnaissent cela. فَأَنَّا يُفْلِكُونَ. Pourquoi en vérité ils se détournent en vérité de cela? Donc ici, il nous reste 10 minutes, on va faire ce qu'on peut sur Ar-Rahman Ar-Rahim. On va essayer d'être un peu moins, plus court. Donc ici aussi, donc on a terminé avec Allah et Arab, de façon générale toujours. Huma isman, jalilan, kathura urud huma fi Qur'an al-Karim. Donc ce sont deux grands noms qui sont énormément mentionnés dans le livre d'Allah, le Coran. Allah dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Ar-Rahman, sur son trône, est établi. Al-Arsh istawa. Le miséricordieux établi sur son trône. Quelle est la relation? En vérité, il y a une relation avec Al-Hel, l'importance déjà du Arche, et l'importance que Allah Azzajal, il est au-dessus de nous. Il est en vérité, donc, non seulement au-dessus de nous par sa puissance, et aussi par lui-même, de par lui-même. Thumma stawa ala al-Arche, ar-Rahman. Inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman. Hatta ici, dans cette peur, j'ai peur de recevoir un châtiment de la part du miséricordieux. Je sais que c'est un miséricordieux, mais j'ai quand même peur de son châtiment. Pourtant, on voit, il y a un moment, on serait dit peut-être, ça aurait été peut-être un autre attribut qui a rapport en vérité avec le châtiment. Ici, non, c'est avec le miséricordieux. Hein, qui n'oublie pas la personne que Allah, quoi, il est miséricordieux, et s'il est miséricordieux, donc il pardonne. Il donne tout bien à Allah, tout simplement. Demande pardon à Allah, repends-toi à Allah, parce qu'il est miséricordieux, il accepte ton repentir, il va donc te faire, il va accepter ton repentir de par sa miséricorde, de par en réalité sa ta miséricorde. C'est bien en vérité de ne pas oublier qu'Allah est miséricordieux. Il faut avoir justement en vérité la crainte et quoi? Et l'espérance. Et ça fait partie de quoi? De i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'a. Aussi, toujours lorsqu'Allah dit Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, le miséricordieux qui a enseigné le Coran. Et ça, c'est une miséricorde. Franchement, il n'y a pas plus grande miséricorde de connaître en vérité le Coran et ses sens et de les mettre en application. Allam al-Qur'an, c'est pas juste bil-hifz, mais c'est aussi bi-tadabbur, bil-fahm, wal-amal. Et c'est pour ça qu'ils comprennent le du prophète. Donc, ils ne se sont pas empressés d'apprendre le Coran par cœur et jusqu'à ce qu'ils apprennent divorcer, ils le mettent en pratique, divorcer, ils le mettent en pratique, ils comprenaient. Et s'ils ne comprenaient pas la nuit, le lendemain, ils posent la question au prophète. Hein? Ils recherchent dans la journée, ils demandent au prophète, et la nuit, en vérité, ils mettent en pratique ce qu'il y avait. Ou le contraire aussi, ou plutôt le contraire. Ils recherchent la nuit, ils le lisent, ils méditent. Je n'ai pas compris, ben demain, je vais demander au prophète, qu'est-ce que cela veut dire. Il y avait certains versets qui ont posé des problèmes, beaucoup de compagnons, ils sont tous venus voir le prophète pour le même verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et aussi, lorsqu'on voit Rahim, ici, donc, lorsqu'on voit ici Ar-Rahim, le miséricordieux, lorsqu'il est Muqayyid, wa kana bil mu'minina Ar-Rahima. Rahim, donc Ar-Rahman, c'est général. Ar-Rahim, c'est précis. C'est pour ça qu'il est Ar-Rahim envers des gens. Donc c'est Muqayyid. C'est spécifique, c'est précis. Ça, c'est destiné à une catégorie en vérité de personnes. Wa kana bil mu'minina Ar-Rahima. Et certes, il était miséricordieux envers les croyants. Ou maqrunan bi ismi Ar-Rahman, kama fi sourate Al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim, ou bien, des fois on retrouve Al-Aziz Ar-Rahim, Al-Ghafur Ar-Rahim, Al-Bar Ar-Rahim, Al-Tawwab Ar-Rahim. On a bien dit que tout à l'heure, hein, Al-Ghafur, Al-Bar, Al-Tawwab, ce sont tous des noms d'Allah, donc c'est-à-dire que celui qui est bon, celui qui est pardonneur, et aussi celui qui accepte donc le repentir, qui est pardonneur et qui accepte le repentir, n'est-ce pas que tous ces attributs font partie des attributs de la miséricorde, donc ils entrent dans la dénomination Ar-Rahman. Et ici, Al-Aziz. Al-Aziz, on pourrait dire qu'en réalité c'est le puissant, mais comment ça se fait que le puissant, il est retrouvé dans la partie de la miséricorde? Naam. Car Allah Azza wa Jal, il est Aziz, il est puissant, et malgré qu'il est puissant, qu'il pourrait nous détruire en disant « Kun fayakun », il ne le fait pas, par sa miséricorde. Vous voyez? C'est ça l'Aziz. C'est que ça, c'est une Izza, hein? La, yani, pardon, l'izza biréli naqs. Donc c'est une izza en vérité qui n'est pas incomplète, elle est complète. Tandis que des gens qui sont des peuples ou des gouvernants, ou bien des gouvernements, ou bien ce qu'il y a eu, c'est-à-dire dès que les gens ont la force, ils aiment prendre du plus faible. L'homme il est comme ça, il aime en vérité prendre du plus faible. Il est aziz parce qu'il est fort. Donc on peut dire qu'il est aziz, mais simplement sa izza n'est pas complète, elle a un naqs. Parce qu'il profite du plus fort. Il n'est pas miséricordieux vers le plus fort. Et Allah, il le dit beaucoup. Al-Aziz, Al-Hakim. Donc il est puissant, il est miséricordieux. Il est quoi? Il est sage. Et par sa sagesse, il laisse. Il délaisse. Il pourrait détruire, mais il ne le fait pas. Il est miséricordieux. C'est pour ça qu'il y a, vous allez voir, Aziz beaucoup mentionné. On retrouve beaucoup l'Aziz Al-Hakim. Spécialement dans les versets où Allah pardonne. Vérifiez de vous-même, vous verrez. De par mouvement, vous allez vérifier. Et vous allez retrouver, donc justement, la miséricorde d'Allah dans ces versets où il y a Al-Aziz Al-Hakim ou bien Al-Aziz Al-Rahim Al-Akhiri. Aussi, donc ces deux noms, bien sûr, ils ont, comme on l'a dit, donc, une place importante dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reste combien de temps? Qu'est-ce que, comme, il reste 4 minutes. Je n'aurai pas le temps de faire le reste. Je crois que je vais laisser ça à demain, Inch'Allah, avant de reprendre la deuxième partie du cours. Autant terminer comme ça, Inch'Allah. On doit terminer plutôt que de couper en plein milieu. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.